Fanny Miller fait visiblement des avances à Juanito. Elle lui a même promis, sans qu'il le lui demande, d'aller l'applaudir dimanche à la grande corrida de Puerto Cabello. Quant à Greta, la camériste de Fanny Miller, elle reçoit périodiquement la visite d'un certain Caracho, qui lui apporte de somptueux présents à remettre à la cantatrice de la part de son maître. Mais qui est le maître de Caracho? Il ne veut pas le révéler, mais il courtise la petite camériste du haut de ses moustaches impressionnantes. Et il est jaloux, ce Caracho. Imaginez qu'il menace de tuer ce pauvre Pépé, qui est maintenant le picador de Juanito, seulement parce qu'il l'a trouvé en conversation avec Greta. Pépé, dans son affolement, n'a pas perdu le nord. Des moustaches, c'est intéressant, surtout celles d'un homme en colère. Il arrache deux poils à Caracho et se sauve à toutes jambes. Pendant ce temps, Fanny Miller a lu une lettre que Juanito vient d'écrire à Dolores. Elle comprend pourquoi le célèbre matador est resté sourd à ses avances. Mais qui vient d'entrer? Il se présente lui-même, c'est Valiente, Rodriguez Valiente. C'est lui qui envoie tous ses présents par l'intermédiaire de Caracho. C'est un proscrit politique. Il lui faut quitter le pays dès aujourd'hui et il veut emmener avec lui celle dont il est fou, Fanny Miller. Elle refuse, mais Rodriguez Valiente n'accepte pas cet échec et sent la violence. Juanito et Fanny font route ensemble et parlent de ce beau pays d'Andalousie que Juanito va bientôt revoir. Andalucía, mi apellido amor. Andalucía, mi vertua toujours. Ça volera mon cœur, car ton ciel en fleur contient tout mon bonheur. Que des fois j'ai songé au parfum léger de tes douze orangers. Au divin paradis que l'on dit frivole, tu m'as appris le prix d'une parole. Quand on jura chez moi de s'aimer d'amour. Andalucía mía, sé por toujours. Andalucía mía, país de amor. Andalucía mía, chanta toujours. Tous les refrains si fous qui sont les bijoux des filles de chez nous. Et je frémis encore au baiser si fort de leurs lèvres qui mordent. Au divin paradis que l'on dit frivole, tu m'as appris le prix d'une parole. Quand on jura chez moi d'amour, Andalucía mía, c'est pour toujours. Mais pendant ce temps, à Toblada, la pauvre Dolores est bien malheureuse. Une coupure d'un journal vénézuélien lui a appris que Fanny Miller et Juanito Pérez se montraient partout ensemble et qu'ils formaient un couple charmant. Perfidie de l'absence, Dolores décide de se venger. Sa mère avait raison de lui dire de se méfier des toreros. Elle fait donc alors le serment de montrer à Juanito, cet orgueilleux, ce que peut faire une Andalouse. Dès qu'il reviendra combattre à Séville, c'est-à-dire très bientôt. Javier Torero, Domingue Romero, Don La Vallasse, San de Fallasse, Simón Drapon, que son guapos. A mí, dans la place, tanto je veux ma Juanito par ma victoire, gagner la gloire de vos bravos. De vos bravos. Et si Dieu veut bien être avec moi, je ferai mieux que ceux d'autrefois. Tenter de récolter tous les souffrages, comme le soleil éclaire de ses feux joyeux le monde entier, en costume de lumière. Toi seul, matador, dois briller. Olé, torero, que c'est beau quand le taureau furieux s'élance, d'attendre un peu de ce silence. Un peuple entier crié, olé, torero. Et aussitôt, on le prie, les bravos, ils affichent un bravo, qui de leur sombrero, la carrière, la carrière, la carrière, la carrière. Et quand, pour le suprême et pour le dernier corps à corps, soudain se lève, les notes brèves sonnent la mort, sonnent la mort, j'étais. Montera le matador s'en va l'âme virile, d'un pas tranquille, selon combat. Et pour mieux souligner ses exploits, tout le cire cantonne à pleine voix. Olé, torero, c'est l'honneur des gens de cœur et de couleur. Olé, torero, de tenter de récolter tous les soufflages. Comme le soleil éclaire de ses feux joyeux le monde entier, en costume de lumière, toi seul matador dois briller. Olé, torero, que c'est beau quand le taureau furieux s'élance, t'attendra après ce silence, un peuple entier crié olé, olé. Mais Pépé est très inquiet. Il y aura demain un an que la gitane lui a donné le secret de la poudre magique qui doit faire tomber Pilar dans ses bras. Il a les poils d'un jaloux, la ceinture d'une veuve, mais il lui manque le sang d'un homme né un vendredi 13. Marié et fidèle en mariage. Heureusement, Bédéquer est là. Bédéquer, l'éditeur allemand qui a suivi partout Pépé pour parfaire sa documentation touristique. Il est né un vendredi 13, il est marié et pour l'instant fidèle. Il ne reste à Pépé que de lui extraire quelques gouttes de sang, ce qui sera très simple à l'aide d'un canif. Nous retrouvons tout le monde à la maison de danse de Séville. Discrètement, Pépé a versé sa poudre dans le verre de Pilar. Mais hélas, c'est Greta, la camériste de Fanny Miller, qui le boit d'un trait. Elle tombe follement amoureuse de Pépé qui n'y comprend plus rien, tandis que Caraccio rougit de colère. Mais le silence se fait. Voici que viennent d'entrer dans la maison de danse Fanny Miller et Juanito Pérez. Juanito proclame ouverte la fête de Séville et offre une tournée générale. C'est la fête à Séville et dans toute la ville. Des amours vont se griser, du bruit de leur baiser. Et dans l'ombre sereine, tout autour des arènes, jusqu'au matin se poursuivra, la tendre courira. Vive Séville, la la la la la la la la la la la la. Vive Séville, la la la la la la la la la la. Attablé aux côtés de Fanny Miller, Juanito lui dit alors son impatience de revoir Toblada et sa chère petite Dolores. Mais le silence se fait à nouveau. On annonce la nouvelle étoile de la danse, la nouvelle idole de Séville, la Estrellita. Juanito pense devenir fou. Cette danseuse qui vient d'entrer, c'est Dolores. Le proscrit, Valiente, s'interpose pour calmer le fougueux Juanito. Il tient sa vengeance. Juanito lui a pris Fanny Miller, il lui prendra Dolores. Il lui offre d'abord une maison à Séville, face à celle qu'occupe Fanny. C'est Dolores qui a choisi cet endroit exprès pour narguer Juanito, pour le rendre jaloux et qui sait pour le reprendre peut-être, car elle l'aime toujours. De sa fenêtre, elle voit Juanito monter chez sa rivale, tandis que la lune profile les maisons d'ombre fantastiques et que le sereno chante lentement dans la rue l'heure des rêves apaisants. Jette ses rayons d'argent, que chacun et que chacune fasse des rêves charmants. Gens de ces villes, dormez en paix, tout est tranquille, deux heures il est. Sereno qui passe, veillant sur votre repos. C'est le sereno qui passe, dormez bien, le ciel est beau. De ces villes, dormez en paix, tout est tranquille, deux heures il est. Tandis qu'en face, Juanito soupe tendrement avec Fanny, Dolores attend Valiente, bien à contre-cœur, mais pour exciter la jalousie de Juanito, que ne ferait-elle pas? Pourtant, le courage lui manque. Elle déteste Valiente, elle n'aime que Juanito. Mais il lui faut jouer cette comédie. Pilar la soutient dans cette idée diabolique. Et pour lui donner la force nécessaire en attendant Valiente, elle lui verse à boire, lui verse encore. Oui, ce vin si léger, si divin m'a changé. Ce qu'il faut pour imiter ces effrontés, c'est de l'autorité. J'étais vraiment trop bête de m'en priver jusqu'ici. Ça fait tourner la tête. De beaucoup de courage pour oser aller si loin. On se moque de moi sous mes yeux, on préfère une blonde, tant mieux. Eh bien, puisqu'on m'y pousse, eh bien, puisqu'on le veut, eh bien, je me retrousse. Si peu, si peu, si peu. d'état, mieux que tous les fandangos. À présent je suis prête à braver puisqu'il le faut l'amour fou d'un amant, le courroux de maman. Et tant pis si cette nuit je me conduis presque aussi mal que lui. J'étais vraiment trop bête de supporter tout ceci. Je veux faire la fête et m'amuser moi aussi. Je veux faire la fête. Enfin arriva Valiente, l'homme traqué. Il a cru être suivi, c'est ce qui l'a retardé. Mais pourquoi ne s'assied-il pas? Pourquoi a-t-il l'air si gêné alors qu'il a enfin les bonnes grâces de Dolores? C'est qu'il a compris que Dolores ne l'aimait pas. Il a vu clair et il sait maintenant qu'elle n'aime que Juanito qui la trompe dans la maison d'en face avec Fanny. Mais on a frappé. Qui est-ce? La police? Non, c'est Juanito. N'en pouvant plus, il a bondi dès qu'il a vu Valiente entrer chez Dolores. Mais on frappe à nouveau. Cette fois, c'est vraiment la police. Mais Juanito Chevaleresque ne veut pas livrer Valiente. Il le force à se cacher en lui jetant à la face la médaille que lui avait donnée Dolores en gage de son amour. Le lendemain, Juanito affronte le taureau dans l'arène. Désespéré, il va tout faire pour trouver la mort. Et sa prière avant le combat devant l'autel de la Vierge dit clairement qu'il ne veut plus lutter. Maria, divine Signora, toi qui souvent suprotige ma vie, Santa Maria, Mater dolorosa, aujourd'hui je te prie d'abréger mon tourment. Viens soulager ma misère, viens exaucer ma prière. Je ne veux plus lutter, ni oublier davantage. Donne-moi le courage de pouvoir déserter. Santa Effectivement, Juanito ne se défend pas contre le taureau. Il court à la mort et ne doit son salut qu'aux péonesses qui sont intervenues pour le sauver. Alors Fanny accourt. Elle comprend un peu tard la force de l'amour qu'éprouve Juanito pour Dolores. Elle avoue avoir détourné les lettres que Juanito écrivait à Dolores du Venezuela. Elle avoue avoir poussé à bout les nerfs de sa rivale et jure à Juanito que Valiente n'a jamais été l'amant de Dolores. Alors, Juanito reprend tout son courage et la fin de la corrida marque pour lui un triomphe. Il filera le parfait amour retrouvé avec Dolores. Tandis que Pépé, sans aucune poudre magique, aura les faveurs de sa chère Pilar. Valiente, lui, vient d'apprendre la libération de son pays. Et c'est en tant que président de la République qu'il demande la main de Fanny Miller. Caraccio, son fidèle lieutenant, devenu son premier ministre, part au bras de Greta. Et c'est dans l'allégresse générale que se termine cette belle histoire d'amour. Au beau pays d'Andalousie.